بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. لونج الله اون سيت نوي دي 11 محرم 1442 ici au Maroc. On se retrouve sur les ondes de la radio Taqwa pour une dernière assise concernant ce noble mois d'Allah, Al-Muharram. Et comme nous l'avons cité lors des précédentes assises, beaucoup de gens ont innové des innovations concernant le dixième jour du mois d'Allah, Al-Muharram, qui est Ashura. Ils sont deux groupes, l'un est opposé à l'autre. Un groupe qui a fait de Ashura un jour de tristesse et de deuil pour la mort de Hussein, radiyallahu anhu arda, qui a été trahi par Shia et qui a été tué injustement. Et ces Rawafid, pour cacher cette trahison, ils ont inventé la célébration du deuil de Hussein radiyallahu anhu arda, le jour de sa mort, chaque année, qui coïncide avec Ashura. En se lamentant et en récitant des poèmes où ils inventent des mérites de l'Hassan et de l'Hussein, ou s'ils insultent les meilleures générations de l'islam et la meilleure génération de l'islam, les compagnons de notre messager alayhi salatu wassalam, et à leur tête Shaykhan, Abu Bakr et Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Même les enfants le font, ils sont éduqués à cela. Cette fraction, nous avons parlé de leurs erreurs et horribles innovations durant ce mois d'Allah al-Muharram, et plus particulièrement durant la première décade de ce noble mois. Passons maintenant à la deuxième fraction qui leur fait face, qui font de Ashura un jour de Eid, et font des célébrations comme un Eid. Ils mettent leurs beaux vêtements, les hommes et les femmes se fardent les yeux avec le col, ils font des nourritures spéciales qu'ils appellent la bouffe ou la nourriture de Ashura. Ils citent des hadiths inventés pour légitimer leur célébration, comme ce hadith, celui qui se farde les yeux avec le col, dire le jour de Ashura n'attrapera pas de maladie des yeux durant toute l'année, et celui qui se lave le jour de Ashura ne tombera pas malade durant cette année. Et celui qui sera généreux dans les dépenses avec ses enfants ce jour-là lui donnera une grande subsistance ce jour-là. Celui qui sera généreux dans les dépenses avec ses enfants ce jour-là, le jour de Ashura, Allah lui donnera une grande subsistance cette année-là. Hein? Regardez, celui qui fait son ghusl. Ils disent que celui qui fait son ghusl le jour de Ashura, il ne tombera pas malade cette année. Alors, ils ont dû rater le ghusl du Ashura de l'année dernière pour subir ce qu'ils subissent comme pandémie. Allah al-Musta'an. C'est ce qu'ils disent est vrai. Pourquoi? Hein? Certains Nawaseb, dans les pays d'Yann Nawaseb, il y a beaucoup de cas de gens atteints de corona et qui sont morts avec le corona, etc. Et comme ils citent aussi pour légitimer leur fête, ce faux hadith aussi, que c'est lors du jour de Ashura où Adam alayhi salatu wassalam s'est repenti Et c'est lors du jour de Ashura que l'arche de Nuh est amarrée sur Judi, le nom d'une montagne proche de dans l'Irak, proche de Mosul. Et ils disent aussi dans ce hadith, et durant ce jour-là, Allah dit durant le jour de Ashura, Allah a fait que Yaqub retrouve son fils Youssouf. Et durant cette journée de Ashura, Allah a sauvé Ibrahim du feu. Et durant ce jour de Ashura, c'est durant ce jour de Ashura qu'Allah a donné à Ibrahim, alayhi salatu salam, le bélier à sacrifier à la place de Ismaïl. Ils disent que tout cela est arrivé lors de la journée de Ashura. Et tout cela est inventé. Ce n'est que des mensonges. Le messager n'a rien dit de tout cela. Rien n'a été rapporté dans les recueils authentiques de la Sunna, que ce soit avec une chaîne de transmission authentique ou avec une chaîne de transmission faible, rien n'a été transmis. Ce ne sont que des âneries, des inventions de toutes pièces. Shaitan s'y jouait d'eux. Mais cette célébration de Ashura, ainsi, n'est qu'une ressemblance avec les Juifs et les chrétiens en plus. Comme cela est cité dans l'authentique, les compagnons ont dit « Ô messager d'Allah, ce jour est un jour qui a une grande importance chez les Juifs et les chrétiens. » C'est-à-dire, ils le prennent comme Eid, comme il est cité clairement dans une version de Muslim. Hein? Et les Juifs de Khaybar, à l'époque du prophète alayhi salatu salam, célébraient Ashura comme un Eid. Leurs femmes mettaient leurs bijoux et leurs plus beaux vêtements. Le prophète alors a ordonné de se différencier d'eux et il leur a dit aux compagnons, il a dit aux compagnons, jeûnez le dixième. Et comme les savants ont dit, car il est confirmé que le Eid ne se jeûne pas. Et cela prouve que ce n'est pas un Eid. Hein? Le Eid ne se jeûne pas. Et cette célébration que font Nawaseb, bah, ressemble à ce que font les Juifs. Donc c'est une imitation à ce que font les Juifs et les chrétiens. Donc, nous nous retrouvons concernant Ashura avec deux extrêmes et un juste au milieu. Qu'Allah nous raffermit avec les gens du juste au milieu, les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna véridiquement. Nous avons vu auparavant la fraction qui a fait de Ashura un jour de deuil et de tristesse et d'insultes et de calomnie des nobles compagnons qui sont Rawafid. Dans la séance aujourd'hui, nous allons voir ceux qui font face à ces Rawafid et qui ont fait de Ashura un Eid, un jour de joie et de divertissement. Qu'Allah nous en préserve. Ceux-là, ce sont Nawasib. Ceux qui ont déclaré la haine, qui ont la haine, qui ont déclaré des hostilités à Al-Hassan et à Al-Hussein, et à la descendance de la famille du prophète, alayhi salatu salam, Ali, tous ceux qui descendent de Ali, Al-Bayt. Ils leur déclarent, ils les haïssent, ils leur déclarent la guerre. Et comme cela est rapporté par Ibn Taymiyyah dans le Mujmu', il dit dans le Nawasib, ce sont de grands ignorants qui ont fait face au mal par un autre mal et qui ont opposé au mensonge un autre mensonge. C'est-à-dire le mal des Rawafid, Nawasib lui a opposé un autre mal. Et le mensonge des Rawafid, Nawasib lui a opposé un autre mensonge. Et qui ont opposé un mal à un autre mal. Et qui ont contré l'innovation par une autre innovation. Ils ont fait face à l'innovation des Rawafid par une autre innovation. Ils ont inventé des poèmes, des anachites de joie et de réjouissance pour Ashura. Comme le fait de se farder les yeux, se colorer les cheveux et la barbe avec le henné et avec le katam. Le katam, c'est un mélange de plantes, mais qui donne des couleurs selon comment il est composé, orange, marron, et ainsi de suite. Et donc, ils s'embellissent en se colorant, en teintant les cheveux et les barbes, et aussi, ils agissent généreusement avec les enfants, et préparent des plats qui ne sont pas habituels, qui sortent de l'ordinaire pour le jour de Ashura. Tout ce qui se fait pour l'Eid, ils le font. Et ceux-là font de Ashura un Eid dans le sens large du terme du Eid. Fin de citation de cette adaptation des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ceux-là, ce sont Nawasib. La grande majorité des Nawasib fait partie des Khawarij, qui est le premier groupe qui s'est détaché de l'unité de la Jama'a, des soumis à Allah. Ce sont des gens de l'innovation. Et ces Khawarij rendent de mécréants Uthman et Ali et l'ensemble de la Jama'a qui sont restés avec Ali. Et c'est eux qui rendent de mécréants ceux qui font des péchés, c'est-à-dire les Khawarij. Et fait partie de leur voix l'obligation de ceux qui rendent mécréants ceux qui commettent des péchés capitaux parmi les musulmans. Et fait partie de leur voix l'obligation de se révolter contre le gouverneur. Et ça, c'est une caractéristique d'Inawasib aussi. Comme cela est cité par Ibn Taymiyyah dans son recueil de Fatawa, et dans le Milal, ou le Nihal, le Shahrastani, et d'autres. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Minhaj al-Nubuwa, dans Minhaj Sunna, plutôt, il a dit, Al-Kufa, il y a des Shia, partisans de l'Hussein, et leur leader était le Mukhtar ibn Ubayd al-Kaddab. Et il y avait aussi des Nawasib, qui détestaient Ali, qui détestait Ali et ses enfants, et parmi eux, l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et il a été confirmé dans l'authentique que le prophète alayhi salatu salam a dit, dans la tribu de Taqif, il y aura un menteur et un exterminateur, un assassin. Et ce chi'i menteur, ce rafidhi menteur, n'était autre que le Mukhtar ibn Ubayd al-Kadhab. Et son asibi assassin, injuste, exterminateur, n'est autre que le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Les choses ont apparu comme le messager alayhi salatu wasalam les a annoncées. Le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, c'est l'exterminateur. Et Rafidi le menteur, le Mukhtar ibn Ubayd. Donc, les Rafida ont innové la tristesse, les Nawasib ont innové la joie et la réjouissance. Et ça, c'est l'innovation de ceux qui sont fanatiques. Par le faux, pour le Hussein, radiyallahu anhu wa arda. Et l'autre innovation, dont l'origine vient aussi du fait de se fanatiser contre le Hussein, avec le faux, et les deux innovations sont basées sur le faux et sur le fanatisme, sont des innovations et un égarement. D'un côté, Nawasib, qui sont fanatisés contre le Hussein et contre toute la famille de Ali et de la descendance de Ali al-Bayt. Et de l'autre côté, ceux qui se sont fanatisés pour eux qui sont Rawafid. Et les deux tendances sont dans l'égarement total. Aucun grand imam, parmi les grands imams et parmi les quatre imams et autres, n'ont dit que cela était du domaine du préférable. Ce que font Nawasib et ce que font Rawafid. Ces deux innovations, il n'y a aucune preuve de la législation qui peut être utilisée pour justifier la préférabilité de ce genre d'innovation. Fin de citation de cette adaptation des paroles de Ibn Taymiyyah dans Minhaj Nubuwa, dans Minhaj Sunna. dans le tome 2, à la page 323. Dans les paroles d'Ibn Taymiyyah, nous avons vu le nom du grand menteur qui s'appelle Mukhtar ibn Ubayd ibn Umar al-Thaqafi Abu Ishaq. Son père, le père de Mukhtar ibn Ubayd, était un noble compagnon. Le Mukhtar, hada, il est né l'année de la Hijra, l'année où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait sa Hijra vers Médine. Il n'a ni vu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ni il a accompagné le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé, c'est lui-même qui demandait le poste d'émir, d'être émir. Il se montrait comme défenseur de l'Hussein qui veut venger son sang. Et il cachait ses aspirations pour le mondain. Et il inventait des mensonges et des folies qui n'ont pas de limite. Il a été émir pendant 17 mois. Et on dit qu'au début, ce Mukhtar ibn Ubayd était khariji. Puis il est devenu Zaydi, puis il a terminé Rafidi. Des témoins parmi les gens de Al-Bayt rapportent qu'il prétendait la prophétie et qu'il mentait beaucoup. Et il faisait des mensonges qui sont clairs. Voir sa biographie dans Usud al-Ghaba et dans l'Isaba. Et ce Mukhtar ibn Ubayd ibn Amr al-Thaqafi Abu Ishaq a été tué par Mus'ab ibn Zubayr al-Kufa au l'an 67 de l'Hégire. Et dans les paroles du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahimahullah, il y avait la citation du nom de l'Hijjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ibn Abi Aqil, ibn Mas'ud, Abu Muhammad al-Thaqafi, qui est né l'an 39 de l'Hégire ou l'an 40 de l'Hégire. Il a grandi dans l'éloquence, il était éloquent et intelligent. Il avait mémorisé le Coran. Abdelmalik ibn Marwan l'a désigné comme gouverneur sur l'Hijaz. Et il a tué Ibn Zubayr. Et puis, Abdelmalik l'a destitué de ce poste de gouverneur sur l'Hijaz pour le renommer gouverneur en Irak. C'est lui qui a construit, c'est l'Hijaz, Ibn Yusuf al-Thaqafi qui a construit la ville de Waset en 84 de l'Hégire. Et à son époque, il a fait une grande hasana que relatent les biographes. C'est le fait de mettre des points sur les lettres de l'alphabet arabe. Par exemple, le ba, pour les différencier de ta, il lui a mis un point en bas. Le ta, pour le différencier de tha, il lui a mis deux points en haut. Et le tha, trois points en haut. Le jim, un point en bas. Le ra, un point en haut. Et ainsi de suite. Sinon, avant, l'écriture se faisait sans les points. Le ba son point, ta son point, jim son point, le kha son point. Donc, ceci, c'est une hasana que lui relatent les biographes, ceux qui ont écrit sa biographie. Sinon, c'est un grand exterminateur, un grand tueur, un grand tyran, un grand injuste, comme c'est dans le hadith. C'est un Moubir. Al-Moubir, le grand assassin. Le grand tueur. Et c'était un Nasibi qui détestait Ali et ses partisans. Un tyran obstiné. Il fit couler le sang pour la moindre ambiguïté. Et avec ça, il lisait beaucoup le Coran. Et avec ça, il évitait tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il n'a pas été rapporté qu'il s'est sali avec les viols ou les actes de ce genre. Il ne buvait pas d'alcool alors qu'il était rapide à faire couler le sang. Seul Allah, c'est la réalité des situations. L'Hijjaj est mort en l'an 95 de l'Hégire à l'âge de 55 ans. Voir sa biographie dans le Bidaya ou le Nihaya d'Ibn Kathir. Ibn Taymiyyah aussi dans le texte que j'ai cité, a cité le hadith dans l'authentique. Il y aura donc taqif, un menteur et un exterminateur, un assassin. Et dans l'expression du muslim, dans taqif, il y a un menteur et un exterminateur. Asma bintu Abi Bakrin, radiyallahu anhu majma'in, a dit Al-Hajjaj, le menteur, nous l'avons vu. C'est-à-dire, il faisait allusion à Al-Mukhtar ibn Ubayd ibn Umar, Taqavi. Et, qui est second Rafidi. Et lui a dit, quant à l'exterminateur assassin, je crois que c'est toi. Ainsi lui a dit Asma, bintu Abi Bakr radiallahu anhu wa arda. Al-Hajjaj a tué beaucoup de nobles de cette communauté. Parmi les nobles de cette communauté, Abdullah ibn Zubair, qui était le fils de Asma, ainsi que Saïd ibn Jubair, un grand homme de science, une montagne, et beaucoup de savants de la communauté de cette époque. Et beaucoup ont disparu. On ne sait même pas où ils sont morts. Et il y a aucun doute qu'un Nawasib, ainsi qu'un Rafida, ce sont des innovateurs dans ce qu'ils font. Ils sont en dehors de la sunna, car le messager d'Allah a dit, comprenez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés, mordez-y avec vos molaires et attention à toute innovation, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Donc, ni le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni les khalifs bien guidés, radiyallahu anhum, ont instauré pour Ashura la tristesse, l'alimentation, ni la joie, ni les réjouissances. Mais, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à midi, il a trouvé que les juifs jeûnaient Ashura. Il les a interrogés, c'est quoi ce jour que vous jeûnez? Ils ont répondu, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa. Il a dit, alayhi salatu wassalam, nous avons la priorité sur Moussa plus que vous. Moussa nous appartient plus qu'à vous. Et il l'a jeûné, alayhi salatu wassalam, et il a ordonné de le jeûner. Quraysh donnait aussi une grande importance à ce jour pendant la période pré-islamique. Aïcha, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, a dit que Quraysh, pendant la période pré-islamique, jeûnait le jour de Ashura. Et quand le prophète est venu à Médine, il l'a jeûné et il a ordonné de le jeûner. Et quand a été légiféré l'obligation de jeûner Ramadan, celui qui veut jeûner Ashura le jeûne, et celui qui ne veut pas ne le jeûne pas. Et vers la fin de la vie du prophète, alayhi salam, on lui a rapporté que les juifs prenaient Ashura comme Eid. Il a dit, alayhi salatu salam, si je vis l'année prochaine, je jeûnerai le 9e, c'est-à-dire avec le 10e. Pourquoi? Tout simplement pour se différencier des juifs et pour ne pas leur ressembler dans leur célébration de Ashura comme Eid. Donc, c'est ce qui a été instauré comme sunnah par le messager d'Allah. Quant à tout ce qui se pratique comme coutume, en préparant un repas particulier pour ce jour, en se rachetant des vêtements neufs, ainsi que pour l'ensemble de la famille, et le fait d'être généreux au niveau des dépenses pour les enfants et la famille, et le fait d'acheter les affaires de l'année ce jour-là, ou le fait de faire des prières particulières ce jour-là, ou d'égorger une bête spécifiquement pour ce jour-là, ou le fait de se farder les yeux pour ce jour-là, avec le kohl spécialement pour ce jour, et le fait de se teindre les cheveux et la barbe avec le henné ou le katam, ou autre, pour ce jour-là spécifiquement, le fait de faire un lavage rituel pour ce jour-là, et le fait de se faire les accolades spécialement pour ce jour-là, ou se féliciter pour ce jour-là, ou se visiter durant cette journée-là, ou visiter les tombes, les mausolées et autres, actes que font les gens durant cette journée de Ashura, tout ceci fait partie des innovations blâmables que ni le prophète n'a fait, ni ses khalifs bien guidés ont fait. Et aucun des imams de la science, parmi les imams de la communauté, n'a dit que cela était autorisé. Ni Abu Hanifa, ni Malik, ni Layth ibn Sa'd, ni Thawri, ni Ahmed ibn Hanbal, ni Shafi'i, ni Ishaq, ni Al-Awza'i, ni Ishaq ibn Rahweh, et les autres hommes de science. Et pour être bien éclairé sur ce sujet, il faut revenir vers le recueil des fatwas du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et de son élève, Ibn Al-Qayyim, et le recueil de l'histoire de Ibn Kathir. Voyez pourquoi, souvent, Cheikh Rabi', ainsi que l'Albani, rahimahullah, rahimahullah l'Albani, wa hafidhallah Cheikh Rabi', wa atala umrahu fi ta'atih, conseille et insiste. Il conseille fortement et recommande fortement le fait de lire et de ne pas de lire beaucoup les livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah. Parce que là, dans les livres d'Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, hein, on s'accomplit au niveau de la voix et au niveau des croyances. Et on sait avoir cette distinction entre le vrai et le faux. C'est pour ça qu'il est de votre devoir, frère en Allah, Azza wa Jalla, et de notre devoir tous, hein, de s'armer, de maîtriser ce grand outil de la langue, de cette religion, pour maîtriser cette religion qui est la langue arabe. Et donner tout le temps pour maîtriser cette langue et ses règles, pour pouvoir bien profiter et pour bien comprendre pourquoi ces grands imams, l'Albani et Cheikh Rabi', recommandent les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et les livres de, hein, d'Ibn al-Qayyim, et ainsi de suite. Et regardez, l'Hirras, rahimahullah, qui était dans une voie de l'égarement quand il faisait ses études à l'Azhar. Et sa thèse, ça a été, hein, étudier les livres d'Ibn Taymiyyah pour lui faire des répliques, pour répliquer à Ibn Taymiyyah. Et en avançant dans sa lecture des livres d'Ibn Taymiyyah, elle s'est rendu compte que, hein, que c'est l'islam authentique. Que les livres d'Ibn Taymiyyah contenaient un héritage de la pureté de l'islam pur. Il en est de même pour Hamid al-Fiqh, rahimahullah. Quand il a eu sa thèse, il est venu tout content pour aller l'annoncer dans son village, et sur le passage, il s'est arrêté chez un paysan pour prendre un peu d'eau. Et là, où il était assis, il y avait un livre qui n'avait pas de couverture. Il l'a feuilleté. Et en réalité, c'était un livre d'Ibn al-Qayyim. Et le cultivateur, ce pauvre paysan, quand il a vu cet homme lire, et qu'il était absorbé par la lecture, il a commencé à discuter avec, il l'a laissé lire beaucoup. Il a commencé à discuter avec, il lui a dit d'où tu viens, il lui a dit ben je reviens, je viens d'avoir ma thèse, etc. Et il lui a dit, écoute, tu n'as rien fait. Tu vas aller dans ton village, tu vas leur annoncer tout ça, comme ça, hein, tu vas leur annoncer que tu as eu ta thèse, et après tu reviens à tel endroit, à telle bibliothèque, et tu vas aller dépoussiérer les livres de cet homme. Parce que, en lisant le livre, il s'est retrouvé que, hein, que tout ce qu'il a, il a appris, c'était pas ça. Il a posé des questions au paysan. Le paysan lui a dit, va d'abord annoncer la bonne nouvelle au tien dans ton village et reviens à telle bibliothèque, va dépoussiérer, hein, le trésor qu'il y a dans ces livres. Regardez ce paysan. Et regardez cette parole de ce paysan qui va sauver Hamid al-Fiqh et qui va faire un grand homme de science salafi. Parmi les fondateurs si ce n'est le fondateur de Ansar Sunna à l'époque, hein, chez lequel a étudié Cheikh Hassan al-Banna et son frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Donc, frères en Allah, Azza wa Jal, nous devons voir notre priorité, cette langue arabe, pour pouvoir profiter de cet héritage et pour pouvoir être à l'aise dans notre religion et face à cette science qu'ont légué les dînes parmi les hommes de science de cette communauté. Et car il nous incombe d'obéir à Allah et d'obéir à son messager et de suivre sa religion et sa voie et de s'y cramponner selon les preuves et comme le veut Allah et comme le veut son messager, alayhi salam. Être comme sur une religion sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alim. Et ceci ne peut pas venir du vide. Il faut s'atteler à apprendre cela. Donc, comme nous l'avons vu auparavant, ce qui est préférable pour Ashura, c'est de jeûner le 9e et le 10e, et c'est ce qui est rapporté dans le hadith. Ou de jeûner seulement le 10e, et c'est l'avis de certains savants, et parmi eux, l'Albani, rahimahullah. D'autres savants disent, le mieux, c'est de jeûner le 9e jour de Muharram, et le 10e et le 11e, ou de jeûner le 9e et le 10e, ou de jeûner le 10e et le 11e. Hein? Et certains sont même détestables, voient qu'il est détestable de jeûner le 10e tout seul. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa dernière parole a dit concernant Ashura, si je vais l'année prochaine, je jeûnerai le 9e, c'est-à-dire le 9e avec. C'est tout ce que nous avons dans les recueils de science, et dans le recueil de la sunna, et dans les paroles de nos hommes de science. C'est ça ce qu'il faut mettre en application pour Ashura. Et sinon, pour ce noble mois d'Allah, le Muharram, on jeûne ce qu'on peut jeûner, parce que le meilleur jeûne, après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois de Muharram. Donc vous voyez ce qui se fait en Iran, en Irak, en Inde, au Pakistan, au Bahreïn, dans certains pays d'Afrique ces dernières années, car Rafida et le Rafd s'est propagé dans certaines régions d'Afrique de manière affolante. Donc tout ce son qui se voit actuellement sur les chaînes de télé ou là à travers, hein, les moyens de communication, internet et autres, tous ces gens, hein, qui se flagellent avec et se donnent des coups de sabre, des coups de chaîne de fer et ainsi de suite. C'est lamentation, c'est veillée de compteurs qui comptent les mérites de Hassan et Hussein et de Ali, radouallah alayhim, etc. et qui calomnient les compagnons. Et ces feux qui s'allument partout, hein, toutes les nuits, jusqu'au Ashura, et cette musique qui ne cesse, qui affole les gens, qui ne laisse pas dormir, dans beaucoup de villes, tout ceci n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Tout ceci, c'est de l'égarement total. Et dans certaines régions du monde, il y a un cocktail de pratiques, des deux groupes. C'est-à-dire, on se retrouve chez les mêmes personnes avec un mélange de pratiques des nawasib et de pratiques des rawafid. Un cocktail. Hein? Et tout ceci, du fait que ces deux groupes, hein, ont eu le pouvoir sur certaines régions, à différents moments. À un moment, c'est le nawasib qui avait le pouvoir, à un moment, c'est le rawafid. Comme ça s'est passé pour le Maroc, avec l'Ubaydiyoun, et avec certains nawasib. Ainsi, on se retrouve au Maroc avec les lettres Sha'ala, la nuit du feu. La nuit du feu, ce feu qui s'allume la nuit de Ashura. Et même avant, hein, et je vous ai dit l'autre fois, je l'ai vu, le feu, au sommet de la montagne. Les gens ont ramassé tout ce que, hein, les villageois ont jeté durant toute l'année, comme caoutchouc, comme morceaux de chaussures, etc., ils les montent. Au haut de la montagne, qui fait face au village, ils allument le feu, il faut que le feu, pour que, il y a des croyances, a'oudoubillah, pour qu'il y ait le bien et tout ça, il faut que le feu reste allumé toute la nuit. Hein? Et dans les villes, vous voyez, à Casa, un petit peu partout, à Marrakech, on allume du feu, hein, bien avant la nuit de Ashura, et la nuit de Ashura encore plus. Et en même temps, il y a la musique, vous voyez les gamins avec les tarijas, ces tambourins, et les filles avec des bendir, hein, avec des beaux vêtements, etc. Qui embellit les enfants avec des beaux vêtements le jour de Ashura? Celui que Nawaseb. Et à Marrakech, c'est spécial. Il y a Dqal Marrakechia, et là, c'est des compétitions de quartier. Chaque quartier, il a sa troupe du Dqa, et ils allument le feu, et toute la nuit, et vas-y l'alcool, vas-y la drogue, vas-y les viols, et j'en passe. Jusqu'au petit matin. Et après, Ashura, quelques jours après, hein, les Dqaïqis, ceux qui font Dqa, vont sillonner les rues de leur quartier pour ramasser l'argent chez les gens et rentrer chez les gens et faire de la musique et faire hein, leur chant, etc. Et ils prennent l'argent chez les gens et après, à la fin, ils achètent un veau et ils font des... Chaque quartier va faire son pique-nique avec le veau qu'il a acheté hein, à l'extérieur, dans la palmeraie, dans les éleveries qui entouraient la ville de Marrakech. Hein? Maintenant, voyez un petit peu, il reste encore des choses. Mais maintenant, c'est officiel. Les tribunes qui se dressent pour Ashura, pour les troupes d'El Dqa. Et voyez cette façon de demander l'argent. On la retrouve chez Sherawaf. Hein? Et ils prennent l'argent des gens. Ils sortent dans les rues, ils demandent aux gens. Rawafid, et 40 jours après, ils font quoi? Un repas pour les gens, avec cet argent qu'ils ont ramassé. Et regardez le repas de la quarantaine, d'où il vient, que beaucoup de Maghrébins font pour la mémoire des 40 jours de la mort de leurs défunts. Regardez d'où ça vient. Et après Ashura, tout à l'heure je les entendais passer dans la rue, les enfants des voisins, et après Ashura, les enfants sortent, les filles avec leurs bendir, hein, et les garçons avec leurs tambourins, demander de l'argent aux passants, un peu partout, hein, partout au Maroc. Et la nuit de Ashura, c'est-à-dire la nuit au coucher du soleil, du 9e jour de Al-Muharram, à l'aube du 10e jour d'Al-Muharram, les femmes, notamment de ce que j'ai vu et vécu à Marrakech, se réunissent, ce qu'on voyait, se réunissent sous les ombrelles de quartier, bien habillées, exhibant leurs cheveux, des tambourins à la main et des bendir à la main, et ne cessent de répéter. Par moments, ils répètent ce point. Hada ashur ma'alina al-hikam, idmi le tehkmu rjal. Ça veut dire, c'est Ashura, les hommes ont aucun pouvoir sur nous, et le pouvoir, les gens ont le pouvoir durant la fête du Mouloud. Vous voyez, pendant la journée de Ashura, aussi, beaucoup de régions du Maroc et dans beaucoup de villes, cette année, à cause de la pandémie, les autorités ont interdit. Femmes et hommes et enfants visitent les cimetières et les mausolées. Et au début du mois d'Allah al-Muharram, tu vois s'installer dans les rues et au bord des trottoirs, sur les trottoirs, le commerce de l'occasion, qui sont les fruits secs. Dattes, noix, cacahuètes, et ces étalages, hein, figues et autres, et quelques gâteaux qui sont formés en boule qu'on appelle qrichlat, hein. Car les Marocains font des gâteaux à la maison, ils les envoient cuire au four. Petites qrichlat, des petites boules, hein, qui ressemblent à des petites billes. Et ces quriches là, ils les mélangent avec les fruits secs qu'ils vont manger durant tout le mois ou même après. Et durant, après Ashura, les enfants viennent avec leurs instruments de musique faire la musique devant les portes, et il est de coutume que les gens leur donnent une poignée de ces qurishlat et de ces avec les fruits secs mélangés, et ainsi de suite. Que les gamins se partagent entre eux, et en général les gamins ils préfèrent l'argent. Et durant la nuit de Ashura, c'est une nuit où les femmes, les sorciers, travaillent leur sorcellerie. C'est une nuit où ces chayas à peine travaillent la sorcellerie. L'ayadan billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et durant la journée de Ashura, les gens s'aspergent d'eau. Ils t'envoient de l'eau de leur terrasse, du haut de leur maison. Et certains se jettent des œufs. Et en même temps, ceux qui jettent de l'eau, quand ils veulent ensorceler quelqu'un, et il atteindra cela, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, si Allah veut le prévoir avec, ils l'envoient dans de l'eau, dans des liquides, comme ça, sur la personne. Ils appellent ça sihr al-marchouch, c'est-à-dire la sorcellerie aspergée, etc., etc. L'iyadan billah. Et actuellement, tout à l'heure, j'ai lu sur certains tweets de certains, il n'y a aucune contradiction d'être triste pendant Ashura et d'être joyeux. Chacun a sa façon de fêter Ashura. Allahu musta'an. Où sommes-nous? Où sommes-nous de la sunna de notre prophète alayhi salam? Certains ont écrit aussi, comme je l'ai vu sur un journal aujourd'hui, certains ont écrit Ashura, c'est le jour où les femmes expriment leur liberté et se rebellent contre le pouvoir des hommes. Et vous rappelez ce qu'ils chantent? C'est Ashura, il n'y a pas de pouvoir sur nous. Le jour du Mouloud, c'est les hommes qui commandent. Allah al-Musta'an. Et on veut avec ça libérer la Palestine. On ne s'est même pas libéré de nos passions. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc la meilleure des voies étant la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des situations, c'est une nouveauté dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Louange à Allah de nous avoir guidés et ouvert les yeux de nos cœurs, et nos cœurs à la voix de son messager alayhi salam et de ses nobles compagnons. Et ceci, c'est une énorme grâce que nous devons constamment remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Parce que il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et qui raffermit sur cette voie, qu'on ne cesse de demander. Il faut constamment demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être raffermi sur cette voie et d'en être pas chassé. Car les cœurs sont entre les mains d'Allah. Il les tourne entre eux, deux doigts de la main d'Allah. Il les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, nous retrouvons aussi, dans notre communauté, avec une catégorie de gens, qu'Allah leur donne la clairvoyance dans sa religion, qui croient que le jeûne de Ashura expie les péchés, même les péchés capitaux de l'année précédente. Et tu le vois, les pauvres, donner l'importance à ce jour, le jeûner. Et tu le vois en même temps baigner dans le riba, pratiquer zina, et ainsi de suite, ou boire même de l'alcool, et ainsi de suite. Et ils croient que les péchés sont expiés, qu'il suffit tout simplement de jeûner Ashura, et que tout cela sera effacé. Alors que, comme il est stipulé dans les hadiths, il va expier comme les autres actes qui expient, si on évite les péchés capitaux. Et si on les évite pas, il va expier, il expiera quoi? Alors que ce qui nous est demandé, et ce qui est demandé à tous soumis à Allah, c'est de s'éloigner et de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. D'où l'importance d'apprendre notre religion, d'où l'importance de retrousser nos manches pour l'apprentissage de notre religion, pour sortir de l'ignorance et pour aider ceux qu'on peut aider à sortir de leur ignorance. Car, comme il a dit le messager, alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et qu'on n'oublie pas, frère en Allah, azza wa jal, que pour cela, il faut pas s'attarder sur les traductions. C'est bien la traduction. Mais nous devons la prendre comme une béquille. Quelqu'un s'est cassé la cheville ou autre, on lui a mis du plâtre, et on lui a donné des béquilles, et après on lui a enlevé le plâtre, on lui a enlevé le béquille, on lui a fait de la rééducation, et il doit retourner à marcher normalement, bi'idnillah azza wa jal. La même chose pour la traduction. Nous devons la prendre comme ça. Hein? Un moyen sur lequel il ne faut pas s'attarder. Un moyen qu'on prend tant qu'on n'a pas maîtrisé la langue arabe et qu'on s'attelle à apprendre la langue arabe et à la maîtriser. Et on est capable, tous, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Il suffit juste de s'orienter vers Allah, d'avoir une ferme résolution et d'être sincère et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala constamment et de faire les efforts pour et d'être constamment dans ces efforts. Et la porte s'ouvre. Et la porte s'ouvre du tout. Combien de choses vous ne maîtrisiez pas avant. Et quand la volonté et la résolution est arrivée, vous êtes devenus des champions. Hein? Rien que voir, rien que dans l'utilisation de ces un moyen de communication. Et autres. Donc la même chose. Alors que ces moyens vont peut-être nous aider dans notre vie mondaine. Mais la langue arabe va nous aider dans quelque chose qui est plus important que le mondain. La religion d'Allah, la compréhension de la religion d'Allah va nous aider à profiter des paroles des hommes de science. Et va nous sortir du fait d'être tributaires de traduction. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, anj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wa qadiru 'alayh, wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yufaqqihna wa iyyakum fi dinihi, wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarfa'a 'an ummati Muhammadin hadha al-bala', Allahumma irfa' 'anna hadha al-bala', Allahumma irfa' 'anna hadha al-bala', ya arhamar rahimin ya rabbal 'alamin, wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وأن يغفر لأموات المسلمين وأن يعافي مبتلاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لإخواننا وأخواتنا وأبنائهم وبناتهم هجرة إلى بلاد المسلمين وأن يخرجهم من بلاد الكفر سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا